Alors, la chronique mi-figue, mi-raisin, aujourd'hui, on va discuter du Québec, qui est un peu, on va le dire, on va être honnête, arriéré en termes de diversité à l'écran, que ce soit... Rien de moins. Ben, écoute, en termes de diversité à l'écran, cinéma, télévision, si on regarde quelques émissions actuellement à la télévision, on constate assez rapidement que ça ne reflète pas l'ensemble du Québec, là. Effectivement, je dois dire que c'est vraiment un phénomène, ben, un fait, comme tu l'as mentionné, qui est facilement observable. Autant au niveau des émissions, mais aussi des annonces publicitaires à la télévision. Je trouve que c'est souvent les pubs qui sont américaines doublées, dans lesquelles on va retrouver des minois ethniques, et non dans celles qui sont québécoises produites ici. C'est ce qui est quand même assez paradoxal dans un sens aussi. Puis aussi, un autre exemple que je peux donner, c'est demandez-moi personnellement de nommer 5 comédiennes ou 5 animatrices issues de communautés diverses, et je suis vraiment... qui sont actives, je vais être incapable de le faire. Rebecca McConnell. Une, oui. J'ai fait le tour. Et là, il y en a quand même quelques-unes, mais reste que c'est pas... Oui, 5 comédiennes, 5 animatrices, souvent, ça va être des disciplines confondues. C'est rarement... je crois aussi, si on fait le sondage dans la rue, ça va être difficile pour plusieurs aussi de le faire. Puis si on regarde les émissions phares en ce moment... à la télévision. Prenons un exemple. Je sais que tu l'as abordé sur ton blog récemment, Occupation double. Oui. Oui, mais Occupation double, c'est un autre cas. C'est quand même une télé-réalité et je pense que les valeurs qui sont promues dans le cadre de cette émission-là n'attirent pas nécessairement les gens issus des communautés culturelles. Oh, de par valeurs familiales. Non, mais tout de même, je pense en termes de valeurs familiales, par exemple, personnellement, j'ai vécu longtemps à la maison et la notion de... Tu as des parents haïtiens, on va le mentionner. J'ai des parents haïtiens, ou que ça soit dans la communauté italienne ou grecque ou asiatique. Normalement, c'est très, non protocolaire, mais conventionnel, la façon qu'on va présenter notre futur conjoint, notre chum, notre blonde. Alors, j'ai de la misère à croire qu'on va aller s'exposer aux yeux des Québécois pour trouver bague à son doigt ou preneur, tout simplement. Je pense que ce n'est pas une notion qui va nécessairement pour être bien vue. Pour certaines communautés, c'est mal vu, effectivement. N'empêche qu'il y a quand même 2 millions des fois, ou en tout cas entre 1 et 2 millions de téléspectateurs. On ose espérer là, que le bassin serait un peu plus représentatif. Oui. Mais non, effectivement. Donc, j'ai amené quelques pistes de raisons, d'explications, d'hypothèses, bref, pour expliquer la situation. On l'a déjà mentionné la semaine prochaine, le manque d'ouverture du choix éditorial. Donc, ça peut être une option. Donc, vraiment, qui vient des maisons de production, des diffuseurs. Et sinon, il y a le public qui est souvent un public de région. Donc, les gens qui sont en région, qui écoutent, qui sont la majorité des gens qui écoutent TVA, par exemple, ou V, sont des gens qui ne sont pas nécessairement accoutumés à côtoyer des gens de communautés diverses, donc de communautés culturelles diversifiées. Parce que nous aussi, on a un portrait peut-être un peu déformé. Parce que Montréal, c'est pas la même chose que Lanaudière, ou c'est pas la même chose que Rimouski, par exemple. Je pense que le quota est un petit peu moins élevé, oui. Quand même. Et le talent disponible, je pense que c'est un point qu'on aborde rarement aussi. En audition, moi-même, je l'ai vécu en tant qu'animatrice, ou même en figuration, etc. On se rend compte que le talent est quand même limité. Donc, encore une fois, par rapport à la perception... Ou il y a peut-être des gens qui sont méconnus? Non, pas méconnus. Vraiment, dans le milieu multiculturel, je dois dire, souvent, les parents ne vont pas nécessairement encourager les jeunes à aller dans des carrières artistiques. Mm-hmm. Donc, le talent limité dans la mesure où est-ce que dans les auditions, ça va sûrement être souvent les mêmes visages qu'on va retrouver. Les gens sont réticents à s'investir dans une carrière comme celle-là, d'une part parce qu'il y a peu de place pour eux à l'écran, et d'autre part parce que l'avenir est incertain. On s'entend qu'être acteur... Oui, ça peut être très mal vu. J'ai une amie issue d'une communauté chinoise, des parents chinois là, qui ne sont pas nés ici, mais bien à Hong Kong. Et c'est mal vu. Ses choix de carrière, c'était architecte, avocate... Ou médecin. Médecin. Je veux dire, la carrière d'animatrice n'était pas du tout une option. Là. Et c'est généralisé comme opinion, je dois dire, dans les communautés culturelles. On veut investir dans des carrières à long terme, des carrières qui vont permettre... d'avoir un bel avenir et de pouvoir d'avoir une sécurité financière. Voilà. Je vois que Roberto hoche la tête. Roberto, la tête, toi, en tant que... Non, mais c'est pareil. Hein, moi, ma mère, elle disait soit médecin, soit ingénieur. C'était les deux choix. Je me rappelle quand je dis non, ben, je vais aller en sciences humaines. C'était comme, mais voyons donc. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. quelque chose de plus certain. Donc, c'est vrai. Puis c'est vrai aussi ce que... Et dans les communautés sud-américaines, c'est un peu une tendance, là. Ça fait partie En tout cas, dans mon entourage ici à Montréal, c'était le cas. Et ça va de même pour Occupation double. Toute cette façon d'aller s'exposer, je confirme, en tout cas, que dans mon entourage, ça va de même aussi. Puis, personnellement, je pense que ce qui est dommage, c'est que l'objectif d'une série télé ou encore d'une pub, c'est vraiment de reproduire la réalité. Alors, on a des médecins, on a des infirmières, on a des avocats, on a des chums, des blondes, des meilleurs amis qui viennent de la diversité culturelle. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas à nos écrans en ce moment, et c'est ce qui limite l'intégration et l'acceptation souvent des communautés culturelles. Pour, justement, personnellement, je trouve que pour que ça soit plus normal, disons, de voir des visages ethniques à la télévision, il faut commencer par les voir plus souvent dans des rôles communs. Donc, pas des rôles stéréotypés. Le chauffeur de taxi ou le bodyguard, ça devient un petit peu cliché. C'est important vraiment de mettre des rôles, de trouver des rôles clés. De vie de tous les jours. Oui, de vie de tous les jours. Mais il y a une émission à Radio-Canada qui a passé un peu inaperçue en termes de diversité, oui. Mais Radio-Canada avait quand même innové d'une certaine façon. Je suis contente que tu le mentionnes. Il danse, qui est le projet de Nico Archambault, donc le beau danseur que les demoiselles aiment bien, qui a gagné Shooting Can Dance Canada. En collaboration avec une nouvelle boîte, une nouvelle maison de production qui s'appelle la boîte de prod, ont proposé Il danse. Donc, c'est très simple comme concept. 10 danseurs réunis pour une formation intensive. À chaque fin d'émission, on avait une performance urbaine, donc dans un lieu avec une qualité cinématographique. Je dois dire, c'était toujours très beau, très léché, avec une belle trame sonore aussi. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, oui, je dois avouer qu'il y avait un manque de contenu. Par contre, là, c'était bien beau, mais il manquait un peu. Visuellement, très attrayant. Mais, oui. Par contre, la note parfaite que je dois donner, c'est vraiment, c'est la capacité de faire disparaître les couleurs. 5 sur 10 danseurs étaient issus de minorités visibles. Et la beauté de l'histoire, c'est qu'on ne l'a jamais mentionné. Il n'y a jamais eu d'emphase là-dessus. Alors vraiment, je pense que l'intégration et l'assimilation des communautés culturelles passent par la banalisation. Donc vraiment, ce ne sont que des danseurs. Ce ne sont pas un danseur chinois, un danseur noir ou un danseur latino, ce sont des danseurs. Point. Et c'était la beauté de la chose, je pense, de vraiment leur donner un statut normal. Et on passe à d'autres choses. Et c'est ce que je trouve regrettable souvent dans les émissions québécoises, que ce soit 30 vies ou Yamaska, les personnages qui sont d'origine autre doivent justifier leur présence à l'écran. Je vais donner un exemple concret, les hauts et les bas de Sophie Paquin. Malik, qui était le copain de Sophie Paquin, donc de Suzanne Clément dans l'émission, était de passage en ville. Donc, New-Yorkais, ça explique pourquoi il était noir, il venait d'ailleurs. Et il allait repartir à New York. Yamaska, souvent, un des personnages noirs est adopté. 30 vies, la moitié des personnages sont adoptés ou sinon, on ne voit pas leurs parents ou ils sont métis. Donc, c'est un peu, c'est dommage de tout le temps devoir justifier une présence à l'écran. On ne devrait pas devoir expliquer pourquoi... Ça devient lourd. Ça devient lourd. Ça devrait juste être des personnages du quotidien, tout simplement. Eh bien, Annick Mani, merci beaucoup. À la Au semaine plaisir. Prochaine.